Examen critique, sous le point de vue catholique, du voyage en Orient de Monsieur de Lamartine. Annales de philosophie chrétienne numéro 60 du 30 juin 1835, pages 401 à 428, Books Google FR, markemdanarchive.org, 2018. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Des auteurs qui croient à l'Église, et de ceux qui n'y croient pas, Monsieur de Lamartine, réputation que lui ont faite les catholiques, étonnement à l'apparition de son livre. Certes, nous avons assez montré notre sympathie pour toutes les sciences et pour toutes les découvertes, nous avons assez prouvé notre indulgence pour les idées nouvelles, pour qu'on ne puisse pas nous accuser d'être stationnaires ou rétrogrades, et de ne pas savoir comprendre ou estimer le siècle. Oui, nous avons donné des éloges à la génération actuelle, et nous ne venons pas ici les rétracter. Cependant, il ne faudrait pas croire qu'aucune règle ait présidé à la distribution de ces éloges, si nous avons parlé avec estime des savants modernes. Même lorsque nous savions qu'ils ne se piquaient pas d'être chrétiens, c'est que nous avons remarqué dans leurs ouvrages des concessions ou des découvertes qui toutes venaient à l'appui de nos croyances. Quant aux savants, et surtout aux jeunes littérateurs qui s'avouent chrétiens, nous avons été et nous serons encore extrêmement indulgents pour eux. Partout où nous verrons un cœur qui souffre, une voix qui implore, un esprit qui cherche, nous nous rapprocherons de lui, et nous lui offrirons appui, sympathie, consolation. Même lorsque toutes les plaintes qu'il fait entendre ne seraient pas justes, toutes ses croyances complètes et déterminées. Car comment être sévère dans un siècle où tout est si vague, si chancelant, où toutes les institutions sont ébranlées ou démolies, ou sur beaucoup de questions, sinon essentielles du moins importantes, nous voyons les plus saints et les plus fermes hésiter et douter, et les maîtres eux-mêmes de la science et de la parole, reculer, et se dérober aux décisions embarrassantes, en faisant faire silence autour d'eux. Mais si nous sommes aussi indulgents, c'est à une condition, c'est lorsque nous voyons ces auteurs reconnaître l'Église catholique, proclamer les services qu'elle a rendus à l'humanité, en parler avec respect, et avoir confiance en ses décisions. Oh, alors nous leur pardonnons beaucoup, car, en restant dans l'Église, toutes les erreurs peuvent être rectifiées, et l'on ne se trompe pas longtemps. En effet, l'Église nous change, nous transforme en d'autres hommes. C'est elle qui fait que nous ne sommes plus seuls, que nous ne sommes plus dans cet état maudit et misérable contre lequel nos prophètes ont dit « Ouais, malheur, malheur à celui qui est seul » Ecclésias 4, 10. C'est en elle que nous trouvons la fin de nos rêves et de nos incertitudes. Avec elle nous formons une immense association des frères, elle nous ouvre les secrets des siècles passés, nous met en communication avec tous les temps, nous donne le véritable Dieu, le Dieu des anciens jours, ce Dieu qu'elle connaît elle seule, l'enfant, l'homme, le crucifié Jésus. Oui, à tous ceux qui reçoivent ainsi le Jésus de l'Église, et l'Église de Jésus, nous ferons des concessions larges et nombreuses, nous pardonnerons force divergences d'opinions sur les hommes et sur les choses. Nous sourirons à leurs pensées vagabondes, à leur enthousiasme de jeunes hommes, à leur bonne opinion de leur force, à leurs espérances pour un plus heureux avenir, avenir de gloire, de paix, d'union, de prospérité. Oui, il faut partager ces espérances, ou au moins les pardonner. Car si l'humanité doit être régénérée, si elle doit revoir des temps de bonheur, de concorde et de paix, ce sont ces dispositions qui les prépareront, et qui les exécuteront avec le secours de l'Église. Ainsi, vous disons-nous, Ô nos amis catholiques, soyez sans crainte, marchez votre chemin sans regarder aux obstacles, travaillez à votre édifice, exposez vos espérances, prophétisez un avenir. Sous les yeux et sous l'autorité de cette mère, il n'y a rien à craindre, elle est le creuset qui éprouve et vérifie toutes choses. Mais si un auteur, surtout lorsqu'il se dit chrétien, se lance dans les champs infinis de la pensée, seul, en dédaignant, en insultant, ou seulement en oubliant l'Église, s'il ne vient nous parler que de sa raison, de son jugement, de son instinct, oh, alors tout est changé entre nous. Nous ne sommes plus des frères disputant avec liberté et avec confiance dans l'intérieur de notre maison, et sous les yeux de notre mère. Nous sortons de l'enceinte sacrée. Nous ne sommes soumis à aucune obligation. Vous n'avez rien qui vous élève au-dessus de nous. Aussi, quel que vous soyez, nous n'aurons qu'une indulgence, nous opposerons hardiment notre raison à votre raison, nous interrogerons votre science, nous rirons de vos ignorances et de vos prophéties. Vous verrez si c'est par faiblesse d'esprit ou de volonté, que nous sommes soumis à notre Église, et à son chef. Nous avions besoin de ces déclarations de principe avant de commencer l'examen de l'ouvrage dont nous allons parler. Tous nos lecteurs connaissent Monsieur de Lamartine. Ils savent comment les catholiques ont accueilli ses premiers chants. Ils l'ont salué du nom de leur poète, ils ont fait en partie sa réputation, car le nom de poète catholique lui est resté. Quelle n'a donc pas dû être notre joie quand nous l'avons vu partant pour la terre des miracles et des prodiges, pour aller visiter le tombeau de Jésus, qui est aussi le berceau du catholicisme. Nous l'y avons accompagné de nos sympathies, nous avons religieusement suivi ses traces, et lorsque la main de Dieu l'a visité pour lui retirer cet enfant sur qui reposait toute ses tendresses, nous avons pleuré avec lui. Depuis son retour, nous lui demandions de nous mettre en participation de toutes ses pensées. Recueillies sur cette terre, elles semblaient nous appartenir en quelque sorte. Aussi avons-nous applaudi quand nous avons vu apparaître les souvenirs, impressions, pensées et paysages qu'il avait apportés de ce voyage. Nous nous disions que la terre du catholicisme allait enfin avoir un véritable guide du voyageur catholique. Les premiers lecteurs nous apprirent avec effroi que ce volume renfermait des assertions extraordinaires et affligeantes. Cependant, bon nombre de journaux en avaient fait l'éloge, et nous répugnions à en porter un jugement défavorable. Nous l'avons donc lu avec attention. Et la lecture nous a laissé le cœur rempli d'étonnement et de douleur. Nous le disons sans détour, à peine y avons-nous reconnu quelques traces d'un christianisme vague et tout philosophique. Il y a là du déisme, du philosophisme, du rationalisme, du saint-simonisme, du panthéisme, mais nulle part il n'est fait mention de l'Église catholique. Au contraire, cette mère des chrétiens y est souvent blâmée, calomniée même, dans sa discipline et dans ses dogmes, mise au-dessous du mahométisme. Or, par quelles armes est-elle attaquée? Par les vieilles armes du XVIIIe siècle. Oui, nos amis, toutes ces déclamations de Voltaire et de Rousseau, sur la raison, sur une religion de raison, sur les miracles, sur le fanatisme, sur les siècles d'ignorance et de superstition, sur la morale naturelle, l'état de nature, le célibat des prêtres, toutes ces vieilleries qui ont trompé notre première jeunesse, et que nous avons reléguées dans le bas-fond de nos bibliothèques, tout cela, Monsieur de Lamartine vient nous l'offrir de nouveau. Il nous prédit une religion nouvelle, il nous fait entrevoir qu'il y jouera un rôle. C'est ce qu'il annonce à nos esprits vieillis d'études de pensée, Et cela, avec une assurance imperturbable, et en y mettant des assertions inconcevables contre toutes les sciences, l'histoire, la philosophie, la théologie, comme s'il parlait à des enfants ou à des sots. Au reste, avant de commencer notre critique, nous devons avertir que nous croyons les sentiments personnels de l'auteur différents de ceux qui sont exprimés dans son ouvrage. Au reste, dans son livre même, il reconnaît la divinité du Verbe et de la religion chrétienne, voir entre autres passages, tome 2, page 49, souvenirs, impressions, pensées, paysages, pendant un voyage en Orient, 1832-1833, ou notes d'un voyageur, édition Gosselin en 4 volumes in 8e. Que voulez-vous? L'Orient et son beau ciel l'avaient ébloui. Il ne voyait pas ce qui était en réalité, mais ce qui était dans son imagination. Si nous signalons les principes erronés de son livre, c'est à cause des mauvaises conséquences qu'on pourrait en tirer. C'était là, nous oserions dire, une mission qui appartenait aux annales. D'ailleurs, on verra que ce n'est pas seulement à Monsieur de Lamartine que nous répondons, mais à tous ces écrivains, si nombreux encore, qui font du déisme ou du néo-christianisme, selon leur bon plaisir. Mais avant d'exposer les idées que Monsieur de Lamartine s'est faites du christianisme et de la forme nouvelle qu'il est destiné à revêtir sous peu de temps, nous croyons utile d'examiner quelques questions philosophiques et historiques qui nous serviront à connaître quelle est la portée des connaissances de Monsieur de Lamartine sur ces matières.